Bonjour Mathieu, c'est Dada France. Du coup, j'espérais passer un petit moment avec toi au téléphone. Bah, tu n'es pas là, je viens te raccrocher. Avec... Bonjour ma puce, c'est Tata France. Bah, écoute, j'espérais passer un petit moment avec toi au téléphone. Et bah, tu n'es pas là, je viens de raccrocher. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Gros bisous à tous, au revoir. Wow. Mm-hmm.